Texte 2. J'ai mis un bel habit. J'ai mis un bel habit pour aller voir mon père. Je veux lui faire honneur et de moi qu'il soit fier. Il y a aussi souriante, ma maman qui attend, silencieuse près du père, elle attend son enfant. 2 heures de route, c'est vraiment pas très loin. 2 heures de route. En voiture, ce n'est rien, mais pour eux, du moins, je l'espère, ce sera un peu de lumière éclairant leur matin. J'ai mis un bel habit pour aller voir mon père. Je veux lui faire honneur et de moi qu'il soit fier. Souvenirs éternels d'éternelles insouciances où sa main dans la mienne m'apprenait la patience. Moments oubliés d'une enfance vite partie, des instants négligés dans l'histoire d'une vie. Souvenirs ensevelis remontant petit à petit, regards et sourires que les anges m'ont repris. J'ai mis un bel habit pour aller voir mon père. Je veux lui faire honneur et de moi qu'il soit fier. Il y a trop longtemps que ma mère m'attend et elle m'attend comme seule une mère sait attendre un enfant. Elle attend sans bouger, sans parler, sans pleurer, sans regret. Elle attend. Depuis déjà trop longtemps, patiemment elle attend, comme quand une mère veut revoir son enfant. J'ai mis un bel habit pour aller voir mon père. Je veux lui faire honneur et de moi qu'il soit fier. Le moment est venu de retrouver la paix. C'est décidé, je m'en vais faire le trajet. 2 heures de route, c'est vraiment pas très loin. 2 heures de route, en voiture, ce n'est rien. C'était trop dur ou bien trop tôt pour y aller. Mais maintenant, je suis prêt. Remontant le passé, silencieux, concentré, j'irai par les montagnes, j'irai par les vallées. Je ferai le chemin de l'enfant qui revient, les yeux tout mouillés, le cœur dans les mains. J'ai mis un bel habit pour aller voir mon père. Je veux lui faire honneur et de moi qu'il soit fier. On pourra bavarder comme quand c'était le temps d'avant, le temps d'hier, d'il y a longtemps. Je lui dirai ma vie, ce que j'ai fait sans lui. Mes amours, mes regrets, mes projets, mes envies. Enfin bref, de quel bois il m'a fait, quelle a été ma vie depuis toutes ces années. Ma mère voudra savoir comment je vais, comment je vis, si la vie m'a comblé, si son enfant a bien grandi, si j'ai donné un peu d'amour, même juste un peu, si je vais bien, si je suis un homme heureux. J'ai mis un bel habit pour aller voir mon père. Je veux lui faire honneur et de moi qu'il soit fier. Il y a aussi souriante ma maman qui attend, silencieuse près du père. Elle attend son enfant. 2 heures de route, c'est vraiment pas très loin. 2 heures de route, en voiture, ce n'est rien. Mais pour moi, du moins je l'espère, ce sera un peu de lumière tout au bout du chemin. J'ai mis un bel habit pour aller voir mon père. Je veux lui faire honneur et de moi qu'il soit fier, pourvu qu'il me pardonne tout ce temps. Surtout, ne pas pleurer quand je serai devant. J'arriverai le cœur serré dans les brumes du matin. J'apporterai des fleurs. Les fleurs, c'est bien. En silence, dans l'allée, tête baissée, j'avancerai pour un dernier hommage rempli de respect. Ce n'est pas tous les jours que je vais voir mon père. Ce n'est pas tous les jours que je vais au cimetière. Il y a déjà trop longtemps que ma mère m'attend, silencieuse près du père. Elle attend son enfant. Ses 2 bras grands ouverts panseront mes blessures. Je n'aurai plus besoin de porter cette armure. Et crevant le silence, comme on crève de misère, je fleurirai la tombe de mon père et de ma mère.